le pied de la croix, les douleurs de Marie par le révérend père Frédéric William Faber, édition Brereton. Markem.archive.org d'après la numérisation de la bibliothèque Sainte-Geneviève. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique. Chapitre 1er. 4. Caractère distinctif des douleurs de la Sainte Vierge. Comme on pouvait s'y attendre, les caractères distinctifs des douleurs de la Sainte Vierge ont un rapport étroit avec les sources d'où elles tirent leur origine. Ces caractères doivent maintenant devenir l'objet de nos recherches. Quoiqu'ils doivent plus tard ressortir d'une manière vive et claire, lorsque nous considérerons les douleurs l'une après l'autre, il est nécessaire d'en saisir dès à présent, comme une vue générale, afin de se former une juste idée du martyre de Marie dans sa complète unité. Lorsque nous aurons une fois envisagé ce martyre en son entier, nous en comprendrons mieux les détails merveilleux qu'un examen plus rapproché nous fera découvrir. Le premier des caractères particuliers des douleurs de Marie, fut qu'elles durèrent toute sa vie ou à peu près. On s'accorde généralement à croire que la Sainte Vierge ignora jusqu'au moment de l'incarnation qu'elle dut être la Mère de Dieu. Jusqu'à ce moment donc, il peut se faire que par un don de prophétie elle ait prévu confusément que sa vie devait être une vie de grande souffrance et de patience héroïque. Toutefois ces douleurs particulières ne pouvaient se présenter à elle d'une manière distincte. Mais lorsqu'elle portait dans son sein le Verbe éternel fait chair, un grand changement dut s'opérer en elle. Elle était unie à Dieu d'une manière si inexprimable, elle avait une intelligence si profonde et si juste du mystère de l'incarnation, une telle lumière était répandue pour elle sur les profondeurs des prophéties hébraïques, qu'il est impossible de douter que la passion de Jésus ne se présentât à ses regards. Avec les 33 années de pauvre et de peine, d'abaissement, et qu'elle ne vit d'avance du moins dans ses principaux traits, sa propre compassion. C'est là le moins que nous puissions penser à cet égard, mais ce que nous en pensons s'étend en réalité beaucoup plus loin. Nous ne pouvons suivre ici les écrivains qui font commencer les douleurs de Marie au moment de la prophétie de Siméon. Assurément, il se peut qu'à ce moment Dieu ait voulu présenter à ses regards d'une manière plus distincte le tableau entier de l'affligeant à venir et qu'il ait voulu faire briller cette vision devant elle sous des couleurs plus vives. Que les paroles de Siméon aient été l'instrument divin qui produisit un changement dans l'âme de Marie, c'est là une chose plus que probable. Mais il semble à peine respectueux envers elle de penser que, durant les 9 mois de son union intime avec le Verbe incarné, Marie ne comprit pas sa mission de souffrance et de sang, ni les lois de l'expiation et de la rédemption, et qu'elle n'eut pas la certitude de boire largement à la même coupe que son fils. En tout cas, à compter du moment de la prophétie de Siméon, si ce n'est depuis celui de l'incarnation, les souffrances de Marie ne discontinuèrent plus jusqu'à la fin de sa vie. Comme celles de Jésus, elles étaient sans cesse présentes à ses yeux. Elle ne connut point ces intervalles de calme qui donnent quelques trêves aux maux dont nous sommes accablés. Une ombre inévitable et uniforme s'étendait sur son chemin. Les plus sombres destinées des hommes sont inégales, et il y a du soulagement dans cette inégalité. La douleur qui s'attache à nous de la manière la plus étroite nous fait quelquefois sentir moins fortement son étreinte. Les nuages cèdent de temps en temps à la force du soleil, ne fût-ce que durant un court intervalle. Le malheur, qui parfois poursuit un homme durant tout le cours de sa vie, semblant de certaines occasions se fatiguer de le persécuter, se tourne dans une direction opposée, comme s'il renonçait à sa proie, ou lui accordait au moins le temps de respirer. Mais la sujétion de Marie à la douleur était rivée sur elle comme avec le fer. Elle ne se relâchait jamais, ne se calmait jamais, ne lui accordait aucune trêve. Elle faisait partie de sa vie, et la fin de sa vie put seule la débarrasser de cette union inséparable. La passion ne fut pas la triste fin d'une belle vie ni un obscur coucher de soleil, après une journée où s'étaient succédé tour à tour la lumière et les ténèbres, ni une tragédie isolée de 63 années traversées par les vicissitudes ordinaires de la vie humaine. Ce fut une partie d'un tout conséquent avec ses antécédents, un épaississement des ténèbres, il est vrai, mais une partie des ténèbres de toute une vie qui, à cet égard du moins, n'avait pas connu de lumière. C'est là ce que nous devons avoir sans cesse présent à l'esprit, si nous voulons nous former une idée juste des douleurs de Marie. Ces douleurs furent moins des événements séparés que la continuation d'une vie soumise à une espèce de charme, d'une vie que le ciel avait enveloppée dans une loi singulière de souffrance en jetant sur quelque un de ces abîmes une lumière plus vive que sur d'autres. Les douleurs de la Sainte Vierge non seulement durèrent toute sa vie, mais encore s'accrurent continuellement. Plus la vue des souffrances lui devenait familière, plus elle en éprouvait la réalité, et plus terribles aussi elles lui apparaissaient. Cet accroissement de souffrance ne semble pas incompatible avec l'immensité de sa science, et il n'en affaiblit pas l'éclat. Ces douleurs donnèrent des traits nouveaux, des peines nouvelles, de nouvelles profondeurs et de nouvelles facilités à ses continuelles méditations, exactement comme elles font encore pour les nôtres, quoiqu'à un degré bien inférieur. Plus nous occupons notre esprit des mystères de l'incarnation, plus nous acquérons de lumière sur ce qui les concerne. Plus nous montons, plus l'horizon s'étend. Plus nos yeux s'accoutument à la douce obscurité, plus nous nous apercevons qu'il est impossible de sonder la profondeur de l'abîme. Qu'a donc dû être tout cela pour Marie, dont le regard pénétrant et fixe était si différent de nos méditations précipitées et distraites, dont la méditation dura sans interruption pendant des années, et dont le cœur était si vivement intéressé au sujet de ses pensées? D'ailleurs, plus l'accomplissement des mystères approchait, plus ils paraissaient terribles à Marie, plus l'ombre qui les jetait devenait épaisse, plus il lui inspirait d'effroi. Quand les premiers vents de la tempête commencèrent à souffler sur son cœur, elle y pressa son Jésus. Il lui semblait plus beau que jamais, mais il n'y avait pas d'espoir. Une mer immense et sans port était autour d'elle. Elle n'avait pas d'autre refuge que ce vaste océan. Telle était la volonté de Dieu. Pendant ce temps-là, Jésus devenait plus beau de jour en jour. Les 12 premières années s'écoulèrent produisant des fruits d'amour et de beauté céleste dont le nombre défie tout calcul humain. Puis vinrent 18 années, pendant lesquelles chaque parole, chaque regard, chaque acte de soumission était rempli de mystères divins. La vie de Marie était presque tout entière passée d'elle en Jésus, qui était devenu si entièrement sa lumière, sa vie, son amour, son tout. Ensuite vinrent les 3 années du ministère public du Sauveur, et l'on eût dit que le nouveau-né de Bethléem, que l'enfant de Nazareth n'était rien en comparaison de ce prédicateur de l'amour dont les paroles, les œuvres et les miracles parurent charger le monde plus de beauté surnaturelle qu'il n'en pouvait porter. De sorte que les hommes se précipitèrent en fureur pour éteindre cette lumière qui les blessait de son trop vif éclat. À mesure que croissait la beauté de Jésus, l'amour de Marie croissait également, et, avec son amour, son agonie, ces 3 choses avaient une croissance continuelle, majestueuse et rapide. La beauté infinie des 3 années du ministère de Jésus semblait devoir rendre impossible pour Marie les souffrances de la Passion. Par la beauté seule de la prédication du Sauveur, par ses larmes humaines, par ses veilles sur les montagnes, par ses pénibles voyages, par sa faim et sa soif, par sa douce patience, par la persuasion de ses miracles et la sagesse merveilleuse et séduisante de ses paraboles, ne paraissait-il pas que le monde pût être racheté sans les cruelles souffrances du calvaire? Il n'y a qu'un mot à dire ici. Mais ce mot renferme des volumes. C'est que Jésus était devenu, pour Marie, une habitude à laquelle elle ne pouvait être arrachée sans cesser de vivre. Ainsi, une cause de douleur s'ajoutait en elle à une autre, une pensée excitait l'autre, une affection rendait l'autre plus vive, et c'est ainsi que ces douleurs s'accrurent plus vite, que ne croissent les plantes de nos jardins pendant l'été, et d'autant plus rapidement que le temps se rapprochait davantage. C'est encore un caractère particulier des douleurs de Marie, qu'elles étaient plutôt dans son âme que dans son corps. Ce n'est pas que son corps fût exempt de douleurs terribles et spéciales, nous l'avons déjà reconnu, mais, comparé à celle de l'âme, ces douleurs n'étaient rien. Les unes étaient en dehors de toute proportion avec les autres. La souffrance physique est pénible à supporter. Si pénible que, quand elle arrive à un certain point, elle semble intolérable. Elle étend ses mains sur notre vie, qui semble vouloir se retirer devant ce contact. Personne ne peut regarder la souffrance corporelle comme une chose insignifiante. Qu'elle est légère, cependant, si on la compare à la souffrance de l'esprit. Même pour nous, l'agonie de l'âme est bien plus terrible que les tortures du corps, et cependant, comparée à la Sainte Vierge, nous sommes si grossiers, si matériels, que nous sommes presque des créatures d'une espèce différente. Plus l'âme est pure et délicate, plus son agonie est cruelle. Que doivent donc avoir été les souffrances d'une âme qui, comme celle de Marie, était un vaisseau immaculé de grâce? Nous n'avons pas de mesure pour calculer l'étendue de ce qu'elle a éprouvé. Sa capacité pour la douleur dépasse notre intelligence. Tout ce que nous en savons, c'est qu'elle a laissé bien loin derrière elle tout ce que l'homme éprouva jamais. C'est que les deux cœurs de Jésus et de Marie s'élevèrent dans un monde de souffrance à eux, où nul autre cœur de chair ne peut les suivre. Les souffrances de Marie étaient le martyre renversé, car les angoisses qu'elle ressentait avaient leur siège dans son âme, et débordaient sur sa chair sympathique en la torturant et en la brûlant. Tandis que chez les martyrs, l'âme versait un baume adoucissant dans les places de la chair, et que le ciel brillait avec plus d'éclat en eux, que ne brillait en dehors la flamme des bûchers ou l'œil des bêtes féroces. En ceci Marie se distingua même de Jésus sous certains rapports. En effet, l'âme de Jésus fut crucifiée à Gethsémani, et son corps sur le calvaire. Aucune plaie ne fut faite sur le corps de Marie, pas une goutte de sang ne fut tirée de ses veines. Le corps et le sang de Jésus étaient venus de Marie, et c'était assez que ce corps et ce sang souffrissent pour lui et pour elle. Ce caractère parfaitement intérieur des douleurs de Marie, si souvent indépendant des circonstances extérieures, et dont la juste appréciation exige un discernement spirituel, doit être toujours présente à l'esprit, comme l'un des caractères les plus marqués de ces douleurs. Si nous osions penser un moment à ce que la théologie appelle la circumincession des trois personnes divines, à la manière dont chacune d'elles existe dans les autres, nous serions emportés bien au-delà des prérogatives de Marie, à cause de la distance infinie qui se trouve entre le Créateur et la créature. Néanmoins, l'idée de cette éminente unité nous soustraira à nos pensées peu élevées, et nous conduira plus près d'une juste appréciation de l'union qui existe entre Jésus et sa mère. Le cœur de l'un semblait être dans le cœur de l'autre. La beauté de Jésus attirait Marie hors d'elle-même. Les intérêts de son fils étaient les siens propres. Les dispositions de Jésus devenaient celles de Marie. Elle pensait avec lui, sentait avec lui, et, autant qu'il était possible, s'identifiait avec lui. Elle ne vivait que pour lui. La vie de Marie était pour Jésus un instrument dont il pouvait disposer selon sa volonté. Dans cette union, Marie était quelquefois mère. Elle donnait son cœur tout entier à son fils, se réjouissait de tout ce qu'elle était, de tout ce qu'elle avait, de tout ce qu'elle pouvait faire ou souffrir, tout simplement parce qu'elle avait autant à lui sacrifier. Quelquefois, c'était comme si Marie eût été l'enfant, et celui-ci le père, tant elle s'appuyait sur lui, tant elle lui obéissait parfaitement, tant elle était éloignée d'avoir une pensée qui ne fût pas celle de son fils, même une pensée qui eût été pour lui. C'était à lui de penser et de disposer, à elle de suivre, de servir, de compatir, de se conformer à lui, et de l'adorer avec son amour. Nous lisons des choses merveilleuses sur les saints et sur leur union avec Dieu, mais il n'y eut jamais d'union comparable à celle de Jésus et de Marie. Elle était unique en degré et en nature. Elle ne ressemblait qu'à elle-même. Elle ne ressemblait à nulle autre union, si ce n'est à celle dont nous apercevons de loin la vérité enveloppée d'une ombre transparente, l'union de la très sainte Trinité. Or, Marie vivait plus réellement de cette vie en dehors d'elle-même, qu'elle ne vivait de sa propre vie, ou, pour parler plus justement, cette vie en dehors d'elle-même, cette vie en Jésus, était pour Marie plus intérieure, plus réellement sa propre vie que l'autre, et ce fut un des caractères particuliers de ses douleurs, qu'elles étaient moins en elle-même qu'en celui qu'elle aimait beaucoup plus qu'elle-même. Il y a des douleurs humaines qui ont une faible ressemblance avec celles de Marie. Leurs ombres ont traversé le cœur des pauvres veuves alors que leur premier-né, atteignant déjà glorieusement l'âge d'homme, avait été assailli et vaincu par la mort. Mais nulle mère n'a senti comme Marie, parce que nulle n'a vécu dans une union aussi étroite avec l'objet de son amour, parce qu'aucune n'a eu un pareil objet, à la fois divin et humain, lui appartenant, et qu'elle pouvait aimer d'un amour qui n'eût pas besoin de se distinguer de l'adoration même. Un autre caractère particulier des douleurs de Marie, c'est qu'elles étaient d'une grande variété, en même temps qu'elles étaient intérieures, et qu'elles étaient ressenties, toutes réunies dans un seul endroit, dans son cœur. Ce n'était là, du reste, que la conséquence du fait qu'elles étaient intérieures, ce qui est la cause d'un genre de souffrance tout à fait particulier. Lorsque les instruments de torture passaient d'un membre du martyr à un autre, il y avait presque du soulagement dans cette vicissitude. Nous savons presque tout ce qu'est la violence de la souffrance lorsqu'elle se concentre sur un seul nerf, surtout lorsque cette violence dure pendant des heures, des jours ou même des semaines. C'est là une agonie différente des souffrances qui se déplacent, et même de celles dont les élancements douloureux sont si difficiles à supporter. Mais, si d'un membre ou d'un nerf nous transportons au cœur la pression uniforme de la douleur, la souffrance qui en résulte doit être incalculable. La variété des douleurs de Marie était presque infinie. Les deux natures de Jésus, sa nature divine et sa nature humaine, donnaient lieu à une diversité sans nombre de souffrances, elles en multipliaient les motifs et en augmentaient l'amertume. Les peines corporelles de la passion, les souffrances mentales, la profonde abjection, les cris, les visages et les pensées visibles même de la multitude qui entourait Jésus, étaient autant de différents genres de souffrances pour Marie. Et puis l'unité complète de ses affections sans partage ajouta immensément à ses douleurs. Elle n'aimait qu'un seul être, sur lequel se concentraient toutes les causes de son martyre. Il n'y avait dans son cœur nul autre objet qui pût détourner quelque portion de sa douleur et la distraire de son accablante fixité. Que les cris de son enfant sont doux au cœur de celle qui vient de devenir veuve. Quelle éloquente distraction, plus délicieuse que ne le serait la voix d'un ange. Oh, ce cri est semblable à une grande grâce venue du ciel, et quelle puissance il a pour alléger en partie le poids du fardeau. Mais Marie n'avait point de distraction à ces mots. Quoiqu'innombrables, se réunissaient comme en une seule pointe surnaturelle, unique et multiple à la fois, et ils perçaient de toute leur force le centre même de sa vie, le magnifique sanctuaire de son cœur tout aimant. Mais cela n'est pas tout. Non seulement Marie n'avait pas d'autres objets, d'autres devoirs, d'autres amours, qui pussent la distraire dans son malheur, mais, en réalité, ce qui aurait dû naturellement alléger ses peines, ne servait qu'à les envenimer et à les empoisonner. Ce qui aurait dû être la lumière était pire pour elle que les ténèbres d'Égypte. Ce qui aurait dû donner la vie était à son égard capable de causer la mort. La bonté de notre Seigneur aiguisait d'une manière particulière chacun des traits qui perçaient le cœur de sa mère. C'était la sainteté de Jésus qui rendait sa mort si terrible. L'amour du Sauveur pour Marie, amour qui, par sa nature, était pour elle plus qu'une consolation, amour qui était sa vie même, voilà ce qu'il y avait de plus cruel dans sa compassion. Si Marie eût moins aimé Jésus, ou si Jésus eût moins aimé Marie, les douleurs qu'elle éprouva n'auraient pas été si loin au-delà de toute comparaison humaine. Ce que chaque torture avait d'extrême était dû précisément à l'amour qu'éprouvait Marie. Mais la divinité de Jésus, la splendeur secrète de sa nature glorieuse et impassible ne pouvait-elle soutenir la tête fatiguée de Marie, le plus cher de tous les dogmes de la foi? Combien de cœurs souffrants, d'esprits abattus, d'âmes troublées par les tempêtes, au milieu du naufrage général qui les entourait, se sont reposés sur toi, et, comme sur une couche molle et agréable, on goûtait la paix alors que tout était trouble au-dedans, au-dehors, au-dessus et au-dessous. Pour combien de milliers d'âmes cette doctrine n'a-t-elle pas été comme la visite d'un ange qui ordonnait à la tempête de s'apaiser, et qui rendait moins dur le lit même de la mort? Ne sera-t-elle rien pour celle qu'elle touche de plus près qu'aucune autre des créatures de Dieu? Rien? Au loin de là, cette doctrine sera pour elle un nouvel abîme de douleur humaine, inconnu jusqu'alors, et dans lequel elle s'enfoncera à des profondeurs incommensurables, sans en trouver le fond. Cette doctrine l'enveloppera dans la souffrance, et la montrera gisante et délaissée sur un vaste océan de douleur. Dans le martyre de Marie, chaque chose semblait suivre la loi des contraires. Celle qui, d'elle-même, eût allégé son fardeau, était comme des mains homicides qui la retenaient avec une force cruelle sous les eaux ténébreuses. Trop forte pour être suffoquée, elle n'en souffrait qu'avec plus de violence. Sans doute, parmi les douleurs humaines, il s'en trouve qu'on peut comparer à celle-ci, mais aucune d'elles n'a jamais approché de celle de Marie. Une souffrance sans sympathie est un rare phénomène sur cette terre d'égoïsme. Mais où Marie trouvera-t-elle de la sympathie pour la sienne? Il n'y a qu'un seul être au monde qui puisse la comprendre, et c'est lui qui, par ses souffrances, lui inflige toute cette douleur. Elle lui donnera plutôt toute sa compassion que d'en chercher en lui. Il faut qu'elle souffre en secret. Saint Joseph la connaissait bien, mais il ne la connut jamais parfaitement. Son cœur est un mystère, même pour Saint Jean, quoiqu'il ait été initié au secret du Sacré-Cœur. Et cet apôtre lui-même a besoin de l'amour de Marie pour se tenir debout au pied de la croix de son maître. Il n'est pas probable que, pendant les 18 années, Jésus et Marie s'entretinssent beaucoup de leurs douleurs futures, ou cherchassent quelque sympathie dans leur mutuel amour. Il nous semble plus probable qu'ils ne s'entretinrent jamais de ce sujet. La sympathie de Marie pour Jésus était d'ailleurs réellement un culte. C'était de l'amour, il est vrai, un amour maternel plein de tendresse. Cependant, c'était aussi une adoration différente de toute sympathie ordinaire pour le chagrin. Quand elle revint lentement du Saint-Sépulcre, le vendredi soir, elle rentra dans un monde où il ne se trouvait pas une âme pour la comprendre, pas même la sainte et tendre Madeleine. C'était les ténèbres sans un rayon de lumière, une solitude pleine de terreur, une vie qui n'avait plus pour elle aucun attrait, ni un seul lieu de repos pour son cœur brisé. Elle se renferma dans ses douleurs, et les endura en silence pendant que son âme en était torturée. Il n'y avait personne qui pût faire plus que de soupçonner le vide douloureux qui battait comme un pouls désordonné dans ce cœur maternel. Tels furent les caractères distinctifs des douleurs de Marie, et à quoi servent les paroles qui ont été dites, si ce n'est à ajouter une ombre encore plus obscure à ce tableau déjà si sombre? Que penserons-nous donc de ce dernier caractère de ces douleurs qui étonnait en Saint Bernard, la patience tranquille avec laquelle Marie les supporta? Qui sera jamais capable d'oublier, après avoir médité sur notre Sainte Mère, la tranquillité céleste de ses paroles lors de l'Annonciation? Voici la servante du Seigneur. Le même calme continu, lors même que son cœur est déchiré au pied de la croix, excepté dans l'état d'une très grande sainteté, et même dans ce cas l'exception n'a pas toujours lieu. La patience dans les peines implique une idée de froideur ou d'insensibilité. Nous ne pourrions guère aimer une personne dont la tranquille égalité ne serait jamais troublée par aucune affliction. L'amour de Dieu avait pour effet chez les saints de rompre le charme de la douleur. Cet amour forme une distraction et une compensation à la fois et rend ainsi plus facile la patience. Mais pour Marie, c'était précisément dans son amour pour Dieu que consistait l'excessive amertume de son agonie. Si donc nous nous représentons l'affreux tourbillon de misère, le fardeau énorme de douleur et le surcroît de peine surnaturelle que Marie avait à endurer, et comment tout pesait d'une force irrésistible sur son cœur solitaire, c'est avec étonnement que nous verrons tout cela se briser contre sa tranquillité, comme la vague vient se briser en écumant contre un énorme promontoire, qui fait rejaillir les vagues furieuses et terribles sur ses basses frémissantes sans être renversées. Ainsi en était-il en Marie. Elle n'était pas insensible comme le froid granit. Au contraire, la tempête la pénétrait, s'insinuait dans chaque repli de cette vaste nature, remplissait jusqu'à les faire déborder toutes les puissances qu'elle possédait pour la souffrance, et abreuvait d'amertume toutes ses facultés, toutes ses affections. Cependant, rien ne put troubler la tranquillité de Marie. Sa paix intérieure était semblable au calme des profondeurs de l'océan, lorsque la tempête en bouleverse la surface. Mais cette tranquillité n'était pas pour Marie un refuge contre l'insensibilité de la souffrance. Elle la rendait plutôt apte à souffrir davantage. Le calme permettait à la douleur de pénétrer plus irrésistiblement dans chaque partie de son être, et il n'y avait chez Marie ni éclat, ni soupir bruyant, ni sanglots entrecoupés, ni de vaines paroles pour exprimer la plainte. À plus forte raison n'y avait-il pas ce que n'aurait jamais imaginé un amant intelligent de la mère de Jésus, sans les images que des tableaux inexacts et peu théologiques ont tant de fois offerts à nos regards, ni ces attitudes forcées de douleur, ni ces contorsions qui eussent altéré la vénérable beauté de son visage, ni ses mains qui se tordent d'une manière efféminée, ni ses cheveux épars. On ne saurait non plus se la représenter étendue par terre comme une personne accablée d'une mortelle angoisse, ni défaillante ayant besoin d'un bras pour la soutenir, que ce fût celui de Jean ou celui de Madeleine. On ne peut imaginer en elle aucune suspension de cette glorieuse raison dont le sommeil même n'avait pas interrompu le magnifique exercice depuis le premier moment de l'Immaculée Conception. Livrons aux flammes, dans notre amour indigné, ces ignorantes et irrespectueuses représentations, et chassons loin de nous les odieuses images que le mérite et la beauté de ces peintures peuvent avoir laissées dans nos esprits. Marie se tenait debout au pied de la croix. Voilà le tableau si grand dans sa simplicité que nous trouvons dans l'Écriture, voilà l'exacte vérité, et le peintre est le propre époux de Marie, le Saint-Esprit. Et c'est à l'image de cette femme debout et calme que l'un de ses enfants les plus tendres, Saint Bernard, contemplait dans une amoureuse admiration. C'est là ce qu'il y a d'attrayant dans les apparitions que nous font connaître les révélations de Marie d'Agreda et dans le portrait que nous en tracent les visions de la sœur Emmerich. Les instincts de la religieuse espagnole étaient même plus vrais que ceux de l'âme artistique de l'extatique allemande. Nous ne devons donc jamais éloigner de notre esprit la pensée de cette tranquillité de Marie au milieu de ses douleurs. Il n'y avait chez elle rien d'extravagant, rien de désordonné, rien de dramatique, rien de passionné, rien de démonstratif, rien d'excessif. Elle gardait la dignité la plus calme, la plus royale, la plus tranquille, non comme un doux paysage à l'approche de la nuit ou comme le sommet d'une montagne éclairée par la lune, ni comme aucune autre image prise dans le poème de la nature. Elle demeurait tranquille selon son rang et son degré de perfection, comme la nature divine de notre Seigneur, pendant que les tourments de la passion foulaient aux pieds sa nature humaine et allaient la faire mourir. La tranquillité de Marie était comme le reflet de celle de Jésus. C'était une des nombreuses participations à sa personne que Jésus accordait à Marie dans ses heures ténébreuses.